Eddie Jenna Toxie, Masho, Magaswe, I'm a machine of bats, sir. Toutes ces bougas, hein, mais on, yo, toute la l'élan, mais on. Dis-moi, bah, qui ça, yo, pas les mains, non, l'église, mais à la mer. Tout nain, fait taquita. Tout nain, fait taquita. Oh, cela, c'est Tokito. Kenny New from l'hôpital. Qu'on envoie pas mon pito. Faut ouvrir bon dans qu'on chapiteau. Ouvrir bon dans qu'on chapiteau. Gago, c'est ça, l'enjet sapito. Mon comprenement, maintenant, j'ai les mains rentrer en saplin et pis de l'eau. Trou la grande en cerceau. Si il pas pour bosser ça. Parfait qu'on enlève bateau à nid, y'en font qui pète dans le dos sous son nain. Tout nain, fait taquita. Tout nain, fait taquita. Fait taquita. Mange à l'eau, faut bakita. Ou kaban mouy bakita. Fait taquita. Mange à l'eau, faut bakita. Mon en bon da nikita. Tout nain, fait taquita. Tout nain, fait taquita. Tout nain, fait taquita. Toutes ces bougas, hein, mais on. Yo, toute la l'élan, mais on. Dis-moi, bah, qui ça, yo, pas les mains, non, l'église, mais à la mer. Tout nain, fait taquita. Tout nain, fait taquita. Oh, cela, c'est Tokito. Kenny New from l'hôpital. Qu'on envoie pas mon pito. Faut ouvrir bon dans qu'on chapiteau. Tout nain, fait taquita. Tout nain, fait taquita. Fait taquita. Mange à l'eau, faut bakita. Ou kaban mouy bakita. Fait taquita. Mange à l'eau, faut bakita. Mon en bon da nikita. La machine à battre, ça va, ça va. Un taxi. Chalet, assieds-toi, mon bon appétit. Chiche.